بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله nous dit dans le Coran فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Concernant ce verset, les savants de l'interprétation du Coran, les savants du tafsir, ont dit « Ce verset est un verset général. » Ainsi, dans toutes les affaires de la religion, quelles qu'elles soient, le musulman et la musulmane qui n'ont pas de savoir concernant une question se doivent d'interroger celui qui pourra leur répondre. Parmi les savants enracinés dans la science issue du Coran et de la Sunna. Le musulman, homme ou femme, qui n'a pas de savoir concernant une question se doit d'interroger celui qui pourra lui répondre parmi les savants enracinés dans la science, issus du Coran et de la Sunna. Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullahu ta'ala. Question. أقوم الليل والحمد لله وأخشع في صلاتي وأبكي أثناء صلاتي في الليل لكني في أثناء النهار تصدر مني بعض المعاصي التي حرمها الله عز وجل فما هي نصيحتكم لي يا فضيلة الشيخ Voici une personne qui dit Je me lève pour prier la nuit et je suis concentré en prière والحمد لله et toute louange pour Allah Et je pleure même durant mes prières nocturnes. Cependant, pendant la journée, je commets des péchés. Je fais des choses qu'Allah le Tout-Puissant a interdites. Aussi, j'aimerais de votre part, ô Cheikh, un conseil bénéfique. نصيحتي لك أن تتقي الله في النهار كما اتقيته في الليل وتجنب المعاصي بقدر ما تستطيع Mon conseil à ton égard est que tu dois craindre Allah. Tu dois craindre Allah dans la journée comme tu le crains durant la nuit. Tu dois craindre Allah dans la journée comme tu la crains durant la nuit. Et tu dois être décidé, résolu à t'écarter de ces désobéissances à Allah du plus que tu le peux. Et tu dois être décidé, résolu à t'écarter de ces désobéissances à Allah du plus que tu le peux. سائلة تقول تكثر علي وسوسة أستعظم أن أذكرها وأخاف منها كثيرا وأدعو الله أن يجنبني إياها، ولكنها ما زالت تأتيني هذه الوسوسة، وهي تخيفني أن يغضب الله علي رغم أنها خارجة عن إرادتي، فأسأل الله لكم التوفيق، أفيدوني ماذا أفعل؟ Voici une sœur qui dit: je suis atteinte par des obsessions et des insufflations sataniques continuelles. Et je les refuse, je les rejette. Ces pensées m'angoissent énormément. Aussi, je demande à Allah de me les enlever et de m'en écarter. Cependant, elles ne me quittent pas. Ces pensées obsessionnelles ne cessent de m'accompagner. Et j'ai peur qu'Allah soit en colère après moi. Bien que ce soit indépendamment de ma volonté. Qu'Allah vous accorde le succès, j'aurai besoin de vos précieux conseils. Que puis-je faire? أقول اسألي ربك سبحانه وتعالى أن يزيل عنك هذا الشيطان الذي يجلب لك الوسواس. نعم. Réponse. Réponse. Je dis: invoque ton Seigneur, invoque Allah, qu'il soit exalté et glorifié, afin qu'il te débarrasse de ce démon, ce shaytan qui jette en toi toutes ses pensées obsessionnelles. Naam. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas.